Isanganiro. Mireille Kanyang. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Les comités mixtes de sécurité seront bientôt élargis, notamment pour sauvegarder la paix. C'est l'un des points analysés par le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Et plus de 60 hectares dans la vallée de la Kanyalu, en commune Nega de la province Kirundo, sont inondés et plus de 3000 familles sont dans la désolation. Et bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 3 reliant les villes de Bujumbura et Rumonge. Elle est fonctionnelle aujourd'hui, après plus de deux semaines, suite à l'effondrement du pont sur la rivière Kirasa. Vous l'entendrez dans cette édition et la chronique Nutrition de ce dimanche nous parle des propriétés de l'huile de palme. La mise en onde de cette édition est assurée par Erika Dogo. Rebonjour et bienvenue. Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page Société, pour débuter cette édition, plus de 3000 familles de la commune Nhega en province Kirundo sont touchées par des inondations de leur culture de riz dans la vallée de Kanyaru. Plus de 60 hectares ont été inondés. Cette population, victime de cette aléa climatique, demande une aide d'urgence. Et le chef de cabinet du gouvernement de la province Kirundo indique que cette situation est alarmante et demande une entraide mutuelle. Le point avec Abraham. Safari. Plus de 3000 familles de la commune de Nega en province de Kirundo sont victimes d'inondations de la pluie qui s'est abattue ces derniers mois dans la vallée de la rivière de Kanyaru. Cependant, les informations en provenance de la commune de Nega dans la zone de Mugendo, plus de 60 hectares de riz ont été complètement endommagés par l'inondation. La population victime de cet aléa reste dans une situation de détresse et demande une aide d'urgence de la part du gouvernement ou d'autres bienfaiteurs. Certains d'entre eux précisent qu'ils avaient contracté des crédits auprès des banques et microfinances pour les rembourser après la récolte. Ils ne voient pas comment ils vont nourrir leurs enfants, nous disaient-ils. Le chef du cabinet du gouverneur de la province de Kirundo, Eric Ndouayezu, qui s'est rendu sur les lieux, demande à la population de Kirundo, spécialement celle de Nega, de manifester un esprit d'entraide pour témoigner la solidarité envers ces familles dont leurs cultures ont été frappées par l'inondation. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. De la province Kirundo, rendons-nous en province Rumonge, c'est au sud du Burundi, dans la province de Rumonge et Bujumbura. Eh bien, la route nationale numéro 3 reliant les villes de Bujumbura et Rumonge est impraticable depuis l'effondrement du pont sur la rivière Kirasa, il y a de cela plus de deux semaines, et de nouveau praticable depuis l'après-midi de ce samedi. Régis Mahounayo, directeur général de l'agence routière du Burundi, le confirme. Il recommande cependant aux véhicules d'un tonnage de plus de 20 tonnes d'attendre la fin des travaux en cours de renforcement de la ténacité du pont provisoire aménagé sur la rivière Kirasa. Et c'est en offre de soulagement chez les usagers de cette route qui avaient vu le ticket de transport passer de 5 000 francs burundais à 6 000 francs burundais par passager. Et les propriétaires de tous les kiosques irrégulièrement implantés le long des routes et avenues de la ville de Rumonge doivent les démolir eux-mêmes avant le 31 mai courant. Jérémy Biziman, administrateur communal de Rumonge, qui ordonne cette démolition, informe qu'il s'agit d'une injonction du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions afin d'avoir des villes propres au Burundi. Au-delà de cette date, une amende de 50 000 francs burundais suivie d'une démolition directe par le propriétaire lui-même sera exigé. Isanganiro. À 13h pile dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine a adopté, analysé et approuvé un projet d'ordonnance ministérielle portant composition et fonctionnement des comités mixtes de sécurité. Ce projet a pour but d'élargir les comités mixtes de sécurité pour plusieurs raisons, dont la sauvegarde de la paix. Suivez Prosper Anargwame, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. La Constitution de la République du Burundi dispose en son article 73 que tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale. Or, la paix et la justice ne peuvent se concevoir que lorsque la sécurité est garantie. Actuellement, la sécurité ne s'entend plus au sens classique de protection physique, mais elle a laissé place à la sécurité humaine dans son caractère multidimensionnel et entendu dans le sens de sécurité à la fois personnelle, sociale, politique, économique, alimentaire, sanitaire et environnementale. Dans cette nouvelle conception, la garantie de la sécurité requiert la participation de tous les acteurs de la vie nationale et à tous les échelons. C'est dans ce cadre que ce projet d'ordonnance ministérielle élargit les comités mixtes de sécurité pour inclure beaucoup d'intervenants en matière de sécurité, routière, de transport et des élus locaux. Elle prend en compte la dimension genre, la lutte contre la corruption et les malversations économiques, les acteurs économiques, les confessions religieuses, les acteurs du domaine de l'environnement, la lutte contre les boissons prohibées, etc. À l'issue de l'analyse, le projet a été adopté moyennant quelques retouches, avec entre autres recommandations d'en faire un arrêté du Premier ministre, d'autant plus que les membres des comités mixtes proviennent de beaucoup de secteurs. Prosper Narugwamye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Parlons sport à présent. Deux athlètes burundais ont déjà obtenu les minima pour participer aux Jeux olympiques prévus prochainement à Tokyo, Japon. Ça a été dit ce dimanche par le président de la Fédération burundaise d'athlétisme lors de la clôture du championnat national d'athlétisme édition 2021. Ambassadeur Dieudonné Kwizera, alias Muvuduka, fait savoir que d'autres athlètes pourront décrocher les minima dans les compétitions internationales d'athlétisme prévu le mois prochain. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Cette compétition clôture en fait la saison qui avait été commencée au niveau des associations, au niveau des zones, et cette compétition clôture cette saison. Et cette compétition aussi nous permet d'identifier qui est la championne, qui est le champion national sur les différentes distances du 100 mètres aux 10 000 mètres. Et ça nous permet aussi d'identifier les jeunes athlètes, filles et garçons qui pourront peut-être nous représenter dans des compétitions au niveau international. Et d'autres qui pourront peut-être se qualifier pour aller faire des compétitions en Europe et ailleurs. Mais ça nous permet aussi d'identifier les athlètes qui ont la potentialité d'avoir les minima pour les Jeux Olympiques. Nous avons aussi d'autres athlètes qui approchent les minima. Il y a Rodrigue, il y a Eric sur le 800 mètres, il y a Onesfor, il y a Olivier Dabaruta qui est déjà qualifié. Il y a aussi Rodrigue Cuisea, comme vous avez vu, elle est ici. Il est ici au Burundi, mais d'ici peu, il va voyager en Europe pour chercher les minima. Et nous pensons qu'on peut avoir entre 5 et 6 athlètes qui pourront nous représenter aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Et jusqu'à présent, combien d'athlètes qui ont déjà des minima pour représenter le Burundi dans ces Jeux Olympiques? Pour l'instant, il n'y a que 2 personnes parce que la saison est encore jeune. Vous savez, les grandes compétitions au niveau international commencent que le mois de juin et nous espérons qu'il n'y aura pas seulement 2, comme vous venez de l'entendre, Francine approche les minima. Et ce qu'il manque à Francine, c'est seulement 2 secondes alors que c'est sa première compétition. Même d'autres athlètes vont peut-être avoir les minima d'ici peu. Je me dis que d'ici à la fin du mois de juin, on saura combien d'athlètes, mais je pense qu'on aura entre 5 et 6 athlètes qui vont nous représenter, qui vont avoir les minima. Ambassadeur Dieudonné Kwizera alias Muvuduka. Et les vendeurs grossistes des produits Brahoudi en province Muyinga se lamentent. La Brahoudi fixe des prix sans considérer les frais liés au transport, disent-ils, ce qui pose des pertes à certains et demande à cette entreprise d'acheminer ses produits jusqu'au niveau des communes ou de tenir compte du transport avant de décider sur les prix. Et la Brahoudi, quant à elle, se garde de tout commentaire. Le point avec Pierre Claver à Barundi depuis Muyinga. Les commerçants grossistes des produits Brahoudi à Muyinga doivent tous pratiquer le même prix, peu importe le transport, comme l'indique cette commerçante. Tout le monde doit vendre au même prix, que ce soit à Muyinga, à Gitaranyi ou ailleurs. sans considérer les frais de chargement et le transport. D'une part, cela crée des mésententes entre ces commerçants et l'administration, toujours prête à punir la moindre hausse de prix, et provoque d'autre part le mécontentement des clients. D'après ces grossistes, il s'agit d'une injustice car celui qui vend à 1 km et celui qui fait 50 km et plus n'ont pas le même bénéfice. Ils demandent à la Brarudi de rendre disponibles ces produits au niveau des communes ou de fixer des prix en fonction des frais de transport. Nous leur demandons de nous écouter pour qu'on considère la distance et qu'on fixe des prix en tenant compte du transport. Mais apparemment, ils n'ont pas le temps de s'asseoir avec nous pour qu'on échange. Au niveau de la Brarudi, on indique ne pas avoir de commentaires à faire à ce sujet. Pierre Claver Barundi, Moyinga, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. L'huile de palme est très bénéfique à la santé humaine. Docteur Aloïse Nyongabo, expert en nutrition, fait savoir que l'huile de palme se subdivise en quatre catégories. Les vertus que contient ce produit, dont la vitamine E, les couleurs rouges et jaunes, interviennent dans la prévention des maladies cardiovasculaires. La chronique nutrition de ce dimanche est signée Omer Ndouayou. Extraite par pression à chaud de la pulpe des fruits du palmier à huile, l'huile de palme est une graisse végétale, dit Dr Aloïse Nyongabo, expert nutritionniste, qui précise que cette huile a beaucoup de vertus. L'huile de palme, c'est une graisse végétale qui provient du palmier à huile. C'est une huile énergétique comme toutes les autres huiles, mais il a des particularités et il a beaucoup de vertus. Tout d'abord, l'huile, la graisse, c'est un aliment. Cet expert catégorise l'huile de palme en quatre semaines. Huile dans celle colorée en rouge et jaune, qu'il appelle huile de palme vierge. L'huile de palme est subdivisée en quatre semi-huiles. Il y a l'huile de palme rouge et jaune, qu'on appelle huile de palme vierge ou brute. Après le raffinage, il y a les oléines de palme, qu'on parle souvent, le makoto, l'huile de coton, alors que ce n'est pas vrai. Après, il y a ce qu'on appelle les stéalines de palme, qui sont à la base de la fabrication de la margarine. Quatrièmement, il y a l'huile de palmiste, en provenance des graines du palmier. Elle est extraite des graines de palmier. C'est là où on obtient l'huile de palme rouge et jaune. Et après, on fait le traitement. Et après, ce n'est que les quatre portions que je viens de vous parler. Après l'extraction, il y a l'huile de palme et il y a le tourteau qui est destiné pour l'alimentation du bétail. Aloïse Nyongabo, expert en nutrition, dit que la couleur rouge et jaune de l'huile de palme est utilisée dans des industries pharmaceutiques comme antioxydant. Au niveau nutritif, l'huile de palme, c'est une graisse nutritive qui donne des énergies comme toutes les autres huiles, mais sa particularité, ses vertus résident à la couleur rouge et jaune après le raffinage qui est utilisé dans les industries cosmétiques et qui est utilisé aussi dans les industries pharmaceutiques. Dans les industries pharmaceutiques, il est utilisé comme antioxydant et dans les industries agroalimentaires, par exemple dans les industries où on fabrique les laits infantiles. Les laits infantiles sont à la base du lait de vache, mais après on va y ajouter des huiles polyinsaturées qui proviennent de l'huile de poisson. Et ces huiles sont fragilisées pour l'oxydation. Et pour éviter cette oxydation, c'est cette couleur rouge et jaune qu'on va mettre encore dans son lait maternel pour la protection, pour que le lait maternisé ressemble au lait maternel. La vitamine E que contient l'huile de palme intervient dans la peroxydation des lipides pour prévenir des maladies cardiovasculaires, dit toujours l'expert. La vitamine E intervient dans le cadre de la peroxydation des lipides et ces lipides peroxydés peuvent être à la base de ce qu'on appelle les plaques d'athérome qui vont donner la maladie athérosclérose et de l'athérosclérose qui vont engendrer ce qu'on appelle les thromboses. Et ces thromboses, après, ce sont les AVC. Alors que voilà, beaucoup de gens ne savent pas les vertus dans cette vitamine E ou dans cette huile. Encore plus précisément, mélangée avec les oméga 3 en provenance du poisson, vous vous préservez à 90% des maladies cardiovasculaires. Et je le confirme, ce sont des travaux où on a travaillé. Dans la prochaine chronique nutrition, nous vous parlerons de la préparation et de la bonne conservation de l'huile de palme. À 13h10 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Erika Dogo qui a assuré la mise en onde. Très bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Bonne journée dominicale. Au revoir. Mireille Kanyangi.